Si, si, tu veux savoir tout l'amour que j'ai pour mes potes, pour ma ville, pour mes deals secrets. I'm so hood, Panam, c'est ma route, tu sais. Beaucoup trop tôt, beaucoup de filles qui débarquent vite fait. Même si le job ici, ouais, à sa toile tissée. Y'a beaucoup de gens qui pirouettent, elle est bonne pucelle. Escala en train de dealer, elle est ma maman au ciel. Mais en marquant que c'est leur fils, elle devient moi ma crème. Le sein collé à la fenêtre, juste au moins la traîne. Des fois les potes, tu les vois plus, ils reviennent des mois après. Et c'est comme ça dans le quartier, oui, c'est comme ça que c'est vrai. Pendant que la drogue est bien au chaud, les keufs te foutent au frais. Mais bon, qu'est-ce que j'ai un bise, on se retrouve au grec. Rapine en cours, mais non, j'aime là où la viande est vraie. Seulement sur moi, j'ai du matos, mais cache le temps, t'es très. Me fais pas croire, t'en as tellement que tu peux pas, c'était. Mais moi, j'ai trop de shit. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Ici le bis, ça tourne comme un moulin. Ça vend de la beuh, ça vend du shit, ça vend du crack, à tout va. Ici les guerres commencent, c'est qu'il y a plus de ça. Et dès qu'il y a un manque à gagner, cousin, c'est vrai que ça sort le cœur. Si on t'en veut, on t'en donne, car on s'en fout, on s'en donne. C'est hors demande, on t'en donne, c'est ce que tu fasses qu'on ordonne. Coûte ça, elle n'a pas l'air bonne. On fait des soldes, on fait des prix, ouais, c'est comme ça qu'on tapone. Yo, mais pas pour d'intégration, pour nous ça compte pas. On a choisi nos putains de voies de ce fait, ces lois nous tombent pas. Fais des grands yeux lorsque tu vois que je compte ça. En train de pécho des nouvelles sacs pour que je traîne avec ma lobe ça. Tu voudrais me bousiller en traite, mascala shop ça. Le 18ème ici c'est gangsta, gangsta. Du jeu le show, mascala testa. Avant que je te peste, rum presto. Fais comme un testa, et graille au resto. Yo, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. J'en place une encore pour les textes hoches. Qu'on n'habite pas à Vagram ou bien sur l'avenue Foch. Ici les jeunes n'ont que 13 ans et volent de grosses sacoches. Va avoir paix, c'est des roumains qui te défoncent ta poche. Jeunesse est incomprise, donc au rap s'accroche. Seul à dire la vérité, ça qu'on n'aime pas cette approche. Les tasses t'atroces, revelant comme des gars de la crosse. Voulant qu'on lui serre ses comptes, mais maintenant ils se déprossent. Il faut les formater le rap comme une jupe d'écorce. T'es plus de féroce, tu récolteras juste tes bosses. Confuse l'écorce, mais ne paiera pas tous n'écorce. Ça n'aura pas la voix du peuple, là tu te touches mon pote. Ne piche-tu pas qu'ici t'as pas de cote, pas de vote, donc pas de note. Parce qu'en fait on s'en fout de toi et de toute ta camelote. Tu nous as pesé plus la pige en scène époque. Alors ne te demande pas pourquoi putain ton scrutin est fuck yo. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Yeah, celle-ci elle est pour mon texte. Du 18ème à Clignancourt, pour tous les gars qui y vivent. Yeah.